J'aime les fleurs, les petits oiseaux. J'aime la vie et c'est joli. J'aime l'amour, les petits ruisseaux. J'aime aussi tout ce qui est mimi. À tous ceux qui rêvent d'une société réglée, milliards d'imbéciles encore à moitié fascistes, rêvant en silence d'une planète aryanisée, moi bucolique utopiste, je leur pisse à l'arrêt. Ridicule, je vois le monde d'Arlequin, bel avenir positif. J'aime à croire que tout ira bien et je reste optimiste et naïf. À tous ceux qui rêvent d'une société réglée, milliards d'imbéciles encore à moitié fascistes, rêvant en silence des planètes à réaliser, moi bucolique utopiste, je leur pisse à l'arrêt. Les babacools sont cuits, peace and love démodé. C'est pas juste et c'est pas gentil de mes idées se moquer. À tous ceux qui rêvent d'une société réglée, milliards d'imbéciles encore à moitié fascistes, rêvant en silence d'une planète à réaliser, moi bucolique utopiste, je leur pisse à l'arrêt.